Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec, sur les ondes de CKRL 89.1. Le studio de CKRL étant reconfiné au moins jusqu'à la fin du mois d'octobre, on vous a préparé une émission pré-enregistrée pour satisfaire votre gourmandise culturelle. On en profite pour vous faire voyager. Donc, Gentiane s'est entretenue avec l'artiste Marie-Fauve Bélanger qui se trouve aux îles de la Madeleine. La toute première chronique de notre petit nouveau Mathieu Bouchard porte sur l'exposition « Les gestes flottent, s'empilent et éclatent » dont il a participé à l'installation au Centre Regard. Et finalement, je me suis gâtée en parlant avec une habituée, une ancienne de l'émission, l'artiste Annie Charlotte Thibodeau, qui est présentement en Islande pour sa maîtrise en arts visuels. Ce soir également, Simon Roy nous offre une sélection audio qui nous fait aussi voyager avec la musique du DJ Mukata qui vient de Ramallah en Palestine. Donc, on se laisse tout de suite avec l'entrevue que Gentiane avait avec l'artiste Marie-Fauve Bélanger. Ça suivra avec une première piste audio qui s'intitule « Takira Jamaya ». Et ensuite, on enchaîne avec la chronique de Mathieu Bouchard. Donc, bonne émission et bonne soirée! Bonjour Marie-Fauve Bélanger! Bonjour Gentiane! Tu es actuellement aux îles de la Madeleine pour une résidence de recherche-création et puis une exposition à la fin, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. En fait, j'ai deux semaines et demie pour faire une résidence qui aboutit à une exposition à l'espace que les suspects à l'aéroport des îles de la Madeleine. On peut commencer par la fin. L'espace colis suspect, ben, je sais que notre chroniqueur Jean-Michel René qui vient de terminer une exposition, c'est un espace d'exposition qui est quand même assez particulier. C'est un lieu clos mais vitré, c'est ça? Oui, en fait, il est à l'aéroport, puis il est en longueur, puis c'est ça, c'est seulement les gens qui vont à l'aéroport qui peuvent le voir. C'est pas une galerie, là, c'est pas une salle. Donc, c'est un espace assez spécial, mais avec des limites intéressantes. Et en quoi ça consiste, une résidence à admirer? Est-ce qu'on t'accompagne? Est-ce qu'il y a des lieux de production? C'est quoi les services qui sont offerts? En fait, ils n'ont pas officiellement un lieu pour produire. Donc, eux, c'est le réseau, en fait, des artistes et artisans locaux. En fait, moi, c'est ça, j'avais besoin d'un espace pour produire mes sculptures. Puis, ils ont demandé à un ébéniste qui s'appelle Francis Caspiac s'ils pouvaient me louer un espace de travail. Donc, eux, ils ont leur bureau, ils ont l'espace que les suspects, puis ils font aussi des projets d'exposition commissariés qui ont des expositions extérieures, des projets qui sont pas comme dans une programmation de galerie, là. Donc, ce qu'ils offrent, c'est vraiment un réseau. Donc, je connais pas vraiment la communauté des îles de la Madeleine, mais on entend parler beaucoup que c'est une communauté assez serrée. Oui, oui. Ben, en fait, la communauté artistique que j'ai rencontrée lors de ma résidence, c'est une belle communauté, quand même assez grande. Qui est principalement en fait composé d'artisans. Donc ma résidence c'est un peu la raison pourquoi ils m'ont choisi, c'est qu'ils essaient de plus en plus de faire des résidences avec des artisans, des gens qui sont des métiers d'art. Donc. Et puis là, c'est quoi tes découvertes principales là, que tu as faites là, depuis que tu es arrivée aux Îles-de-la-Madeleine? Ah ben il y en a plein. Oui, c'est ça. Des choix. Moi, je suis arrivée avec l'idée de travailler le sable des îles parce que je me suis fait dire que c'était t'sais, les artisans du sable qui travaillent des produits dérivés en sable. Puis le sable des îles est magnifique. Les châteaux de sable aussi, le festival qui a lieu à chaque année l'été. Il y a aussi beaucoup de boutiques qui travaillent le verre. Donc, il y avait plein de pistes possibles. Puis moi, je travaille les matières, les couleurs. Donc, c'est ça. Je m'étais comme dit que je voulais comme... faire des sculptures laminées, une série de sculptures comme que je fais habituellement, mais roulées dans le sable. Mais le sable serait mélangé dans la résine. Donc, c'était un peu ça, la piste. Donc, c'est un peu là-dessus que je travaille, mais c'est ça, là, j'ai d'autres choses aussi que je mélange. Là, je me suis fait donner du bois d'épave pétrifié. Donc, j'essaie d'être. Il y a plein de petits trous aussi dans ce bois d'épave-là que tu t'es fait donner. Ça a l'air fascinant comme matière d'exploration, là. Oui, c'est vraiment hot. En fait, du bois d'épave, on peut en trouver vraiment facilement sur les plages des îles. Il y a eu beaucoup de naufrages aux îles de la Madeleine. Quand je suis allée au musée de la mer dans mes vacances aux îles, j'ai vu qu'il y en avait vraiment beaucoup, là, tu sais, plus de 400 naufrages qu'il y a eu dans le passé. Donc, il y a beaucoup de bois d'épave qui se ramassent sur les plages. Puis, moi, j'ai fait la rencontre avec de Claude Bourque, qui est un sculpteur. Lui, il sculpte en fait des os et il travaille le cuivre. Et sur son terrain, il y avait du bois d'épave. Puis il m'est arrivé avec un morceau de bois d'épave qui a des trous dedans. Ça c'était assez intriguant. Puis là, j'ai demandé c'était quoi l'histoire derrière ça. Puis il m'a dit que c'était une forme de parasite, un mollusque parasite qui en fait s'attaque au bateau. Puis j'ai lu en fait un peu là-dessus, puis ça a été, en fait c'était vraiment un drame dans le passé. ces bébêtes-là, ils ont vraiment fait couler des bateaux. Oh mon Dieu. Ouais, mais ça, je sais pas si tu as vu les trous, mais c'est vraiment un gros réseau de trous, là. C'est pas comme les vers qu'on retrouve dans le bois habituellement, là, c'est vraiment des très gros trous. Puis moi, quand j'ai reçu ça, là, j'ai essayé de vider en fait le contenu parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de sable, il y a des coquilles, puis il y a aussi du bois qui a été mangé. Puis j'en finissais plus de vider la pièce de bois, là, elle était vraiment pleine. Mais au final, elle est vraiment légère parce qu'elle est pleine de trous. Et puis quand on parle de bois pétrifié, il y a comme la dégradation est stoppée, quoi. C'est que le bois, il devient dur. C'est un. Dans le bois, dans l'eau, il devient un peu plastique. Celui que j'ai reçu, en fait, c'est supposément, en tout cas, c'est ce que Claude me dit. Je ne l'ai pas vraiment identifié, mais ce serait du chêne. Puis, il est noir. Donc, il y a des parties du bois qui sont plus dures. Quand je le passe à la scie, c'est très difficile de le scier. Donc, il est noir. Habituellement, le chêne n'est pas noir. Donc, c'est super intéressant parce que quand je mets de l'huile dessus, il devient aussi noir, sinon plus que du noyer noir ou de l'ébène, un bois. Ben, l'ébène est très noir, mais ça se rapproche de ça, là. C'est vraiment en fait. Ouais. Et on parlait, on disait que ta résidence va se terminer avec une exposition. Est-ce que tu commences déjà à avoir une certaine idée de qu'est-ce qui va y avoir dans cette exposition-là à la fin de ta résidence, Marie-Faure-Bélanger? Ah ben là, en fait, ça va être une série de sculptures avec justement ce bois-là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait des tests. J'ai jamais fait ça, en fait. C'est que je me suis fait sur mes collages, sur la partie bois, j'ai monté des petits murets en plexiglas avec de la colle chaude. Puis j'ai coulé de la résine avec le petit bois d'épave. Donc j'ai tenté de rajouter par moi-même un étage un peu fait main, là, avec ce bois-là. Donc, il va avoir ce fameux bois-là d'épave mangé par les tarins. Il va avoir de l'acajou qui ressemble vraiment au grès sur les plages, là, qu'est-ce qui constitue en fait la géologie de l'île, le grès rouge. Il va avoir aussi du plexiglas qui rappelle un peu les couleurs des falaises, justement. Donc, un petit vert tendre avec du orange, puis des couleurs flash parce que c'est vraiment ma marque de commerce. Puis, c'est ça, dans l'exposition, ce que j'avais envie de faire, le titre de mon projet, c'est « Haut niveau ». Donc, ce que je voulais proposer à Anne-Marie, c'est que dans l'espace que les suspects, c'était d'installer une plaque, possiblement de verre, qui serait installée au niveau à peu près des yeux. Puis, je mettrais les sculptures flottantes sur cette plaque de verre transparente-là, non colorée. Donc, ça serait un peu des bouts de falaise qui se détachent, qui se ramassent en fait sur l'eau. Donc, c'est très poétique là. C'est un peu, ça sera pas vraiment, moi je pourrais dire ça. Ça évoque ça, ce que je dis là, Oui, c'est pas littéral. mais non, c'est ça, c'est de la poésie là, en fait. On s'imagine que l'île, en fait, ça parle un peu d'érosion aussi parce que les îles de la Madeleine sont victimes du phénomène de l'érosion. Donc, ils perdent beaucoup des bouts de terrain à chaque année. Donc, c'est comme s'il y avait un bout de terrain qui s'était plein de bouts de terrain qui se détacheraient en fait des côtes. Fait que je vais travailler ça aussi dans mon installation. Et finalement, les expérimentations que tu as faites avec le sable, les formes sphériques, est-ce qu'elles vont aussi se retrouver dans l'exposition ou c'est encore à l'état C'est vrai, t'as regardé. d'expérimentation? J'en ai pas parlé. Oui, en fait, j'y ai pensé. Puis, c'est vraiment trippant ce que j'ai fait avec le sable, là. Il y a comme trois couleurs que j'ai trouvées. Le grès rouge, le sablon et le sable noir. Puis là, le sable noir, il est vraiment hot, là. C'est capoté. Ils ont du sable avec de la magnétite dedans. Puis, d'habitude, en fait, aux ateliers côtiers, ils te donnent, tu peux avoir, en fait, un aimant que tu peux comme ramasser ce sable-là. Mais c'est vraiment fin. L'aimant marche pas très bien. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je me suis fait dire par les gens de la place d'aller à la plage de Bassin, qui est comme un secteur des îles de la Madeleine, où il y a vraiment beaucoup de sable noir. En fait, le sable noir, il est plus lourd que le sable blanc. Puis, il se retrouve en strates sur les plages. Donc, en creusant, on a des lits de sable noir là, qui. En fait, t'appelles sable noir, sable blanc, sable noir, sable blanc. Mais des fois, c'est vraiment mince. Donc, c'est vraiment dur à ramasser. Mais à la plage de Bassin, à un certain endroit, parce que c'est pas partout, tu peux avoir des épaisseurs de 3-4 pouces. Fait que moi, j'ai ramassé ça. J'étais allée cette semaine, j'ai ramassé plusieurs seaux. Donc, j'aimerais installer, en fait, du sable noir, en mettre vraiment beaucoup dans le bas de mon installation. Puis justement, j'ai commencé à faire des boules de sable noir. Et en fait, ça, c'est en mettant vraiment pas beaucoup de résine. C'est un peu comme l'effet d'une... Oh, faut que j'arrête? Pour terminer, donc on termine. Donc tu mélanges du sable et de la résine pour en faire une sphère. Oui, en fait, ça se travaille un peu comme de la neige collante. Donc, Ah je vais me monter une grosse boule. Je commence avec une petite, puis là, j'ai le goût d'en bon. faire une très grosse. C'est juste ça. Bon, on peut pas aller jusqu'aux îles de la Madeleine, mais on a très hâte de voir les photographies, la documentation de cette exposition-là. Une bonne fin de résidence, Marie pour Bélanger. Merci pour cette entrevue. Merci, Jean-Pierre. Alors, bonjour, Mathieu Bouchard. Bonjour, ça va bien? Oui, toi. Oui, C'est super bien. ta première chronique à l'aérospatiale. T'étais déjà passé pour faire une espèce de chronique improvisée Oui. sur commande de Paris et Martin. Mais là, c'est ta première chronique en tant que chroniqueur. Et on t'a demandé de nous parler de l'exposition Les gestes flottent, s'empilent et éclatent, qui a actuellement cours à Regard et sur laquelle tu as travaillé. Oui, j'étais technicien de montage pour l'exposition, donc c'est une exposition que je connais de l'intérieur quand même. Et parle-nous un peu de toi, vu que c'est ta première chronique. Moi, je suis tout récemment diplômé du baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'Université Laval. Donc, j'ai une pratique en art. Je suis aussi technicien et médiateur chez Exmuro Art Public. Puis, comme tu disais, j'ai été technicien pour Regard pour cette exposition-là. Et les gestes flottent, s'empilent et éclatent. Qu'est-ce que c'est au juste comme exposition? Alors, c'est une exposition commissariée par Florence Agathe Dubé-Moreau et Maud Johnson qui est un peu dans le processus d'une réflexion qui a commencé en 2018. C'est deux commissaires qui sont indépendantes et qui sont autrices qui travaillent sur ce thème-là, le thème du geste chorégraphié qui est présenté en contexte de galerie en art contemporain. C'est une réflexion qui a commencé en 2018, puis qui est maintenant a donné lieu à cette exposition-là. Et donc, une exposition collective, qui sont les artistes qui font partie de cette exposition-là? Alors, il y a Jacinthe Carrier, il y a Adam Kinner, il y a Chloé Loom et Yannick Desranlo qui font un collectif, les deux. Et il y a Camille Rojas aussi et Eve Tagny. Et là, tu nous as présenté les artistes en deux temps. Et on en parlait un peu avant la chronique. Tu as divisé un peu conceptuellement l'exposition en deux groupes d'artistes, si je ne me trompe pas. Oui, il y aurait d'un côté Camille Rojas, Chloé Loum et Yannick et Jacinthe Carré qui travaillent beaucoup plus sur le corps dans l'espace, puis le corps aussi qui est le geste qui est un peu est constitutif de l'identité du corps, puis qui est aussi un geste qui vient construire le corps dans l'espace. Il y a d'abord Camille Rojas qui nous présente Algorithme, qui est une performance qui était en ligne, qu'on pouvait voir par Vimeo, une chorégraphie qui reprend les gestes que les algorithmes effacent, en fait, puis qui brouillent, qui sont des gestes que l'algorithme considère comme sexistes. Puis elle a fait une chorégraphie avec ça. Puis, des gestes qui sont sexualisés. Donc, c'est un algorithme qui est sexiste. Puis Camille Rojas fait une chorégraphie avec ces gestes-là qui, au final, on les voit bien, ne sont pas des gestes qui sont sexualisés. Puis elle a fait une chorégraphie pour nous montrer un peu cet algorithme-là qui est sexiste en informatique. Donc, une espèce de décontextualisation des différents gestes. Exactement. C'est ça. C'est pour vraiment les extraire. Puis finalement, c'est réapproprié pour enlever un peu le voile que l'algorithme fait là, d'emblée là, quand ils sont sur Internet. Après ça, il y a aussi Chloé et Yannick qui nous présentent des bannières avec des impressions au jet d'encre sur polyester. Et ils nous présentent aussi des œuvres dans la vitrine chez Regard, mais dans la galerie, c'est principalement trois impressions sur polyester qui sont présentées. Puis ça, c'est un peu mon coup de cœur parce que j'ai adoré les installer personnellement. Puis aussi parce que il y a une très grande fragilité, autant dans leur dispositif de présentation que dans leur gestes chorégraphiés, qu'ils ont travaillé avec des performeurs, puis ils leur ont donné des objets. Puis ces objets-là ont contraint leur gestes, puis ont contraint leur chorégraphie. Ça a fait en sorte que ça nous montre un peu, j'écoutais Chloé en parler dans une entrevue qui disait que le construit autour de nous, tout ce qui est la maison par exemple, en confinement ou les objets qui nous entourent sont constitutifs de notre identité, puis ils construisent un peu cette manière-là qu'on a de bouger dans l'espace. Puis c'est très présent dans les dispositifs qui nous ont présentés dans la galerie. Et dans les postures que les modèles prennent dans les photographies de Chloé Loum et Yannick Desranlo, il y a quelque chose de très contraignant aussi. Oui, exactement, parce que Chloé Loum est atteinte de maladies chroniques qui atteignent beaucoup ses gestes puis sa vie en général. Donc, c'est quelque chose qui est très contraignant puis aussi qui est assujetti à un équilibre très fin. C'est rare que doit, dans son corps, se sentir à l'aise et confortable. Donc, ces objets-là viennent autant ils viennent astreindre le corps dans un équilibre très fragile. Donc, c'est très présent, là, cette maladie chronique-là, dans les positions qu'on voit dans les photos qui sont présentées sur le bannière. Donc, il y a un réel malaise quand on est face à ces œuvres-là. On est un peu empathique pour les personnes qu'on voit contorsionner un peu, là. Oui, exactement. On voit vraiment qu'ils ne sont pas nécessairement bien, puis ils sont vraiment dans une espèce d'équilibre fragile qui est très fragile. Donc, c'est ça. Après ça, aussi, il y a Jacinthe Carrier qui nous présente un espace très construit, encore là. Puis elle nous a demandé de peindre des parties du mur. Puis elle a une projection dans laquelle elle nous présente Étude pour huis clos, qui est qui est pas une œuvre en tant que soit, c'est une étude qui n'est pas encore aboutie. Puis c'est un espèce de, encore là, de confinement où les gestes sont très contraints, puis où la caméra agit beaucoup aussi sur le point de vue qu'on a de ces gestes-là. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant à regarder, puis très aussi raffiné dans la mise en scène. C'est pas juste une documentation d'une performance, c'est aussi quelque chose de très abouti au niveau cinématographique, on pourrait dire. Puis l'espace aussi est assez particulier parce que Jacinthe Carrier nous expliquait que c'est un travelling latéral. Oui. Puis en même temps, la pièce devient de plus en plus petite. Elle est comme faite en pointe. Oui, exact. Puis la caméra devient donc de plus en plus rapprochée des gestes. Puis on change le rapport. On part d'un rapport très d'ensemble par rapport au performateur. Puis on se rapproche, puis ça devient très, très intime, puis très raffiné aussi dans le détail. On voit les gestes qui sont des gestes de performateurs, donc des gens qui dont le geste est leur métier. Donc, c'est très beau, puis très délicat. Après ça, on passe aussi vers Eftagny, qui, elle aussi, a pris vraiment l'espace, puis l'a vraiment investi la galerie, parce que c'est les deux artistes qui étaient là pendant le montage, Eve puis Jacinthe, donc ils ont plus pris le temps d'investir l'espace. Eftagny nous présente une réflexion plus sur le geste qui est un geste de mémoire. On travaille sur les gestes qui sont issus de commémoration, puis de la culture très occidentale, la commémoration, mais elle les ramène plus pour aider à excusez-moi, comme se réapproprier un geste. Oui, exactement. J'ai l'impression qu'il y a comme une volonté aussi de décolonisation dans la démarche artistique de Eftagny. Oui, oui, c'est ça, exactement. Elle met en scène des personnes racisées qui, dans ce cas-là, c'est elle-même. Puis elle réapproprie ces gestes-là de commémoration. Puis elle veut avoir une espèce de cicatrisation de traumas qui sont anciens, des traumas qui sont collectifs. Donc, puis elle fait ça aussi dans un espace qui est très délicat, qui est très naturel, où on est vraiment dans la réparation de blessures anciennes. Donc, c'est vraiment un geste de mémoire qui est fait là, puis une chorégraphie qui est très raffinée encore là. Puis elle parle d'aménagement paysager, de jardinage, de culture. Puis il y a comme un parallèle aussi à faire avec le colonisateur qui a posé des gestes envers des communautés racisées qui lui semblaient malléables un peu à l'image d'un jardin, là. Oui, exactement. Le jardinier vient astreindre la nature, puis c'est quelque chose de pas naturel, puis elle essaye de faire un lien avec ça, un peu le jardin français ou l'English Rose, qui est le titre de son installation, quelque chose de très... très carré, puis très cartésien, mais la nature n'est pas comme ça, donc il y a quelque chose encore là de très contraignant. Et le dernier, Adam Kinner, oui. Mathieu Bouchard, tu nous dis aussi qu'il travaille sur la mémoire du geste, un peu comme le fait Eftagny, là.

formules et suppléments, aliments biologiques, produits de beauté et tisanes. Notre boutique située à Limoilou offre un vaste choix de produits naturels santé. 10% sur tous les produits à prix régulier en magasin le premier jour ouvrable du mois. Visitez notre boutique en ligne pour découvrir les formules Alimentex. Alimentex.ca, 11 88 1ère Avenue Limoilou, 88 529 79 88. Rebienvenue à l'aérospatiale, Myriam Leland au micro. Et avec moi, j'ai Annie Charland-Thibaudeau. Bonsoir, Annie. Bonsoir. Je dis bonsoir parce que c'est le soir pour toi, réellement. Pour moi, c'est la fin de la journée parce que tu es en Islande en ce moment. Exactement. Oui. Qu'est-ce que tu fais en Islande pour le fun? En fait, je suis partie au mois d'août. Donc, je suis arrivée ici le 20 août. Oui. Pour faire ma maîtrise. Donc, ta maîtrise en arts visuels. Oui, exactement. À l'université, l'Académie des arts, en fait, en Islande. Puis, c'est une formule intensive en 12 mois. D'accord. Donc, je vais passer l'année ici. Génial. Bien, Annie, je me permets ce ton familier parce que tu es une régulière à l'émission, une ancienne aussi à l'émission. en fait, je me demandais qu'est-ce qui t'a amené à l'Islande. Pourquoi tu t'es dit, moi, je vais partir un an, je vais faire une maîtrise en arts visuels en Islande en pleine pandémie? Oui. Bien, première des choses, en fait, c'est que quand mon choix s'est arrêté sur cette université-là, c'était avant qu'on entre dans la première vague. Mm-hmm. Donc, j'ai envoyé, en fait, mes documents en janvier, quand tout était totalement différent pour nous. Ah oui? Oui, mais je pense qu'en fait, ce qui m'a attirée beaucoup, bien, première des choses, j'étais venue ici en 2018. J'avais fait une résidence d'artiste en Islande, puis j'étais restée donc un 5 semaines environ. Puis pendant ma résidence, j'avais passé beaucoup de temps à aller voir les centres d'artistes, à aller voir les musées. Puis c'est certain que c'est une toute petite population. Mais c'est super dynamique. Puis même si je me tenais au courant, puis chaque semaine, j'essayais d'aller voir un maximum d'événements, là, je me trouvais toujours à rater d'autres événements qui avaient l'air assez intéressants aussi. Donc, un peu comme à Québec, en fait. Oui, c'est une bonne comparaison. Puis en frais de population, ça se ressemble aussi. Oui, c'est ça. Ouais, mais il y a toujours quelque chose qui se passe, même justement en pleine pandémie. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est un peu comme la ville de Québec là-dessus. Puis, donc, il y avait ça qui me plaisait beaucoup, mais aussi qu'est-ce que je voyais sortir dans les centres d'artistes, le type d'art contemporain, ce qui se passe dans la relève aussi. Bien, ça trouvait écho chez moi. C'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Puis, c'est une communauté à laquelle j'avais envie d'appartenir, dans laquelle j'avais envie de me tailler une place. Donc, il y avait ça. Quand je suis partie de cette résidence-là en 2018, j'avais déjà hâte de revenir. Ouais. Puis, la maîtrise, ça faisait un petit bout de temps que j'y pensais, mais je me disais en fait que j'allais faire le saut quand j'allais tomber sur un programme qui vraiment me faisait envie, puis me donnait envie de plonger complètement. Puis c'est la formule de ce programme-là là, qui m'a complètement attirée. C'est une belle aventure. Ouais. Dans ta démarche aussi, justement, comme tu dis, c'est un ce qui se passe en Islande, des choses que je vois que tu partages justement sur les réseaux sociaux, ça rejoint beaucoup tes préoccupations. Je peux comprendre comment ça t'a attiré justement. Puis t'as été quand même occupée avant de partir, tu vas l'être aussi probablement en revenant. Avant de partir, en fait, j'utilise le mot inaugurer, mais malheureusement, à cause du contexte, il n'y a pas pu avoir d'inauguration officielle. Mais tu as créé ta première œuvre d'art public. Oui, oui, exactement. Qu'on a installé tout juste avant que je quitte. C'était dans les plans que ce soit possible de faire une inauguration avant mon départ, mais malheureusement, c'est plus compliqué que ça. C'est certain que ça a une incidence sur à peu près tout, là. La pandémie, c'est sûr qu'on savait déjà que ça avait bouleversé tous les calendriers culturels des centres d'artistes, des musées. Mais bon, on pensait peut-être que ce serait possible parce que c'est à l'extérieur. Mais c'est vraiment complexe là, d'arriver à, garder en fait les mêmes délais là, qu'on... Oui, c'est sûr. Puis parle-moi un peu de cette œuvre-là. C'est au parc Montchâtel. C'est un genre d'obélisque en marbre. C'est très majestueux. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette œuvre-là? Quelle a été ta démarche pour cette œuvre-là? Puis c'est quoi le titre, en fait? Il y a un magnifique titre à cette œuvre-là. Oui, ben en fait, le titre, c'est « Ce que nous édifions pour se coller à l'immense ». Puis en fait, ce qui était important pour moi à travers le processus, c'était, ben, en fait, c'était de garder le même processus de création que celui que j'ai quand je travaille à plus petite échelle, quand je travaille pour des expositions, par exemple. Puis c'est un premier concours aussi, donc je savais pas si ça allait être possible. C'est un milieu que je connaissais pas, bien. C'est une sorte d'activité qui en fait, ses particularités. Oui. Oui, puis qui vient avec un autre, l'autre contrainte en fait que, ouais, que le travail. Que c'est à quoi t'es habituée. Exactement. Mais oui, donc j'ai essayé de garder d'être encore en adéquation, en fait, avec, c'est ça, mon processus créatif, puis garder cette idée-là de collecte puis de transformation de matériaux trouvés. Puis, j'ai eu la chance de travailler avec une équipe qui était tout à fait inspirante puis qui était très conciliante puis flexible. Donc, je travaillais avec une entreprise à Lac-Mégantic qui m'ont laissé, justement, choisir des rebuts monumentaux qu'ils avaient déjà en fait dans leurs ateliers, puis concevoir la pièce à partir de ça, puis y aller avec des transformations animales sur les objets qui étaient déjà là. Mm-hmm. Donc c'était vraiment dans un souci là, de rester toujours fidèle au même processus de création, même si en bout de ligne on bascule dans de la sous-traitance, puis on change complètement d'échelle, puis complètement de contrainte là, pour des raisons de sécurité. Oui, parce que c'est assez grand comme œuvre, justement, comparé à ce que tu as l'habitude de faire. Ben, en fait, c'est assez haut parce que tu as quand même l'habitude de faire des installations qui prennent de l'espace, qui occupent bien l'espace, mais peut-être moins en hauteur comme celle-ci, surtout que c'est dans un parc. Donc, on voit moins tes structures de bois avec le vinyle noir ou blanc qu'on a l'habitude de voir dans tes créations. Puis, qu'est-ce qui t'a amené ce rapport-là à la grandeur? Parce qu'on le retrouve même dans le titre aussi, là, ce que nous édifions pour se coller à l'immense. Oui, ben c'est certain qu'il y a toute une réflexion qui s'ensuit puis qui est en fait qui a émergé dans ce processus-là puis que je continue de développer, qui est encore récente, mais de questionner l'idée de la monumentalité aussi puis tout ce qui est contraire, donc la monumentalité puis la contre-monumentalité aussi. Mm-hmm. Donc c'est quand même des points de recherche qui ont été importants. Mais aussi, c'est toujours d'être en écho avec l'environnement d'accueil. Donc là, vu le type d'environnement auquel j'avais accès, vu la taille de l'espace, comme on est à l'entrée du parc, ça me permettait pas là, de travailler avec les mêmes stratégies qu'à l'habitude pour la mise en scène. Puis est-ce que tu avais un effet en tête, justement, en prenant en compte que c'est une œuvre qui est publique, donc ça implique la déambulation, donc oui, des gens qui vont la voir parce qu'ils connaissent son emplacement, mais aussi des gens qui la rencontrent comme ça par hasard en déambulant. Est-ce que tu avais en tête un effet désiré ou une réflexion à provoquer? Oui, ben en fait, c'est certain que ben justement dans mes autres propositions auxquelles tu faisais référence, il y a toujours cette idée-là d'un espace qui va être propre à l'œuvre, puis dans laquelle l'œuvre va venir se fondre, elle devient un petit peu difficile à circonscrire. Mm-hmm. Puis là, dans le cadre de ce type d'intervention-là, ben, la zone délimitée, en fait, dans laquelle l'œuvre existe, elle est partagée avec le visiteur. Donc, à même le sol, il y a cette grande surface-là qui est aussi en marbre blanc, qui est partagée entre le visiteur et l'œuvre. Donc, le visiteur entre dans l'immensité, si on peut dire, justement, de cette œuvre-là. Puis, je pense que tu avais aussi une envie que le visiteur doive se pencher un peu la tête vers l'arrière pour devoir regarder l'œuvre au complet quand il se trouvait dans cette zone-là aussi. donne cet effet-là de monumentalité, justement. Oui, tout à fait. Puis on parlait, ben là, ça, c'était ce à quoi tu t'occupais avant de partir en Islande. T'as des projets aussi qui s'en viennent. Tu m'as gardé la surprise, donc je sais pas exactement. Peux-tu nous en parler? J'ai hâte que tu nous donnes ce scoop-là. C'est une superbe exposition collective qui s'en vient, qui devait, elle aussi, avoir lieu donc plus tôt. Ça devait se dérouler en mai dernier, mais malheureusement, avec la situation actuelle, ben, ça a été décalé. Donc, ça va avoir lieu en janvier. Les dates seront à confirmer sous peu. Mais donc, je vais repasser au Québec pour la période du temps des fêtes, puis je vais en profiter pour travailler sur cette exposition-là, qui va être présentée au Centre Circa, à l'heure actuelle, sur invitation, en fait, de la directrice Indy Grandjean, qui va travailler de concert, en fait, avec Charline Giroux comme commissaire. Puis, je vais être aux côtés de trois autres femmes artistes. Donc, il y a Alexia Laferté-Coutu, Andréane Carrier, puis Annie Conticao-Rivet. Puis, c'est une exposition, en fait, qui va traiter de la matérialité, mais aussi de la présence, puis de la trace dans le monument. Très intéressant, ça rejoint définitivement tes préoccupations habituelles. Oui. Est-ce que tu penses créer quelque chose pour cette exposition-là, aller plus dans l'installation, ou ce sera des choses que tu as déjà fait qui vont y être intégrées? Oui, mais comme c'est un projet de commissariat, en fait, les commissaires nous ont approchés, puis avaient sélectionné des œuvres qui étaient déjà réalisées, puis qu'elles voulaient, en fait, mettre en dialogue. Donc, ça va prendre les deux salles, en fait, de la galerie Circa. Puis, je vais représenter, en fait, une installation que j'avais déjà présentée chez Axneocet, puis au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Oui, alors, c'est une magnifique installation en plus. Ce qui est bien avec ces installations-là, puis le travail que tu fais, c'est que ça reprend vie dans à chaque fois que ça change d'espace, justement, puis que ça change de spectateur aussi. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, ça va être pendant le congé des fêtes, si j'ai bien compris, cet hiver. Ça devrait être lancé autour de la mi-janvier. D'accord. Bon, on en prend bonne note, on surveille ça. Merci beaucoup, Annie-Charlène Thibodeau. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. On a hâte de reprendre de tes nouvelles, peut-être au retour de ta maîtrise, justement, voir qu'est-ce que tu as mijoté là-bas. Certainement. Merci à toi. Donc, nous, on se laisse sur une pause audio, toujours du DJ Mukata de l'album Inkana Kuntu, et au retour de cette pause audio, on termine déjà l'émission avec l'agenda de la semaine et nos remerciements, on continue en musique. Donc, avec les nouvelles mesures de distanciation sociale et de confinement liées à cette deuxième vague qui frappe durement la culture, vous vous en doutez bien, l'agenda sera assez mince cette semaine. Il y a quand même des petites choses à voir. On vous invite à regarder les sites web et les pages Facebook de vos centres d'artistes, vos musées pour découvrir qu'est-ce qui peut s'y passer. C'est la dernière fin de semaine pour voir les œuvres liées à l'exposition La montée des eaux dans les fenêtres du quartier Saint-Jean-Baptiste. Il y a le festival Québec Musique Parallèle qui aura lieu tout de même en ligne et à l'extérieur dans le quartier Saint-Roch, organisé par Avatar. Il y a également l'exposition de Claudie Gagnon à la Galerie 3 qui reste disponible jusqu'à ce dimanche 11 octobre et nos cousines d'Alès de vos empires qui hébergent l'exposition d'Anouk Verviers sur leur site web ont décidé de prolonger cette exposition-là sur leur site web jusqu'au 9 octobre. Octobre prochain. Donc, il y a quand même quelques petites choses à voir et à consommer côté culture pour cette semaine. C'est déjà la fin de l'émission. C'est ainsi que cette édition de l'aérospatiale se termine. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatialecknl.wordpress.com. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec puisqu'on garde un calendrier le plus à jour possible de ce qui se déroule. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Un grand merci à Marie-Fauve Bélanger, Annie-Charlène Thibodeau, ainsi que notre chroniqueur de la semaine, Mathieu Bouchard. Merci bien sûr à Gentilienne La France qui co-anime et co-organise à distance avec moi. Et un salut spécial à notre metteur en onde, Jacques Gignac, qu'on a hâte de retrouver en studio plus que jamais. On se laisse sur deux autres pistes de l'album Inkanakuntu du DJ Mukata et on se dit à la semaine prochaine!